Il existe un grand problème posé par les sachets, les plastiques, les bouteilles plastiques, etc. Donc, je dirais que c'est un fléau au niveau national et même mais au niveau international. Ces plastiques polluent les sols, polluent les eaux, polluent les cours d'eau. C'est vraiment un grand problème d'assainissement, un grand problème d'hygiène. Dans certains milieux scientifiques, ils ont commencé à dire que c'est pour le moment un sixième continent, parce que comme vous le savez, il existe cinq continents, et le sixième continent est constitué de sachets qui sont accumulés un peu partout, et surtout et dans les lacs, dans les cours d'eau et dans les mers. Ces sachets, ces plastiques constituent un véritable danger pour l'environnement, un véritable danger pour la santé humaine, un véritable danger pour la santé des animaux, les ressources halieutiques. Il s'observe pour le moment que ces sachets sont maintenant avalés par les grands mammifères qui sont au niveau des lacs, des mers, des océans. Ces sachets, ces plastiques sont avalés également par les grands poissons, par les tortues. Et il y a pas mal d'animaux, pas mal d'espèces qui sont maintenant répertoriées et qui sont piégées par soit des sacs en plastique, soit des cordes, des filets qui sont constitués de plastique. Et ces dangers sont d'autant plus importants que ces sachets ne sont pas biodégradables. Il y en a qui passent plus de 400 ans sans être dégradés. Et il y en a d'ailleurs qui passent plus de 1000 ans sans être dégradés. Donc, comme vous le constatez, c'est une véritable calamité et il faut faire quelque chose afin d'endiguer ce fléau, afin d'endiguer ce problème environnemental. Les solutions, elles ne sont pas faciles, mais elles existent. Et à mon entendement, la première solution consiste à changer de comportement. Nous sommes une jeune association pour la conservation de la nature, pour la préservation de l'environnement, pour la préservation de la biodiversité, mais également une jeune association qui veut travailler avec les communautés pour les amener à adopter un comportement responsable ou des comportements responsables dans le sens de la protection de l'environnement, dans le sens du développement durable, dans le sens d'assurer un avenir meilleur pour les générations d'abord présentes, mais également les générations futures. Je parlais des solutions et la première solution passe par le changement de comportement. En fait, quel est le problème qui s'oppose? La littérature nous dit que pour chaque minute qui passe, il y a 1 million de sachets plastiques qui sont utilisés, qui sont achetés. Pour chaque minute qui passe, il y a 1 million de bouteilles en plastique qui sont achetées, qui sont utilisées. Et comme je l'ai dit, le premier réflexe, après avoir utilisé un sachet, le premier réflexe, c'est de le jeter dans la nature, de le jeter dans la rue, de le jeter dans un cours d'eau. Et comme je l'ai dit, il faut un changement de comportement. Quand vous utilisez votre bouteille, là, vous devez réfléchir. Après l'avoir utilisée, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais la mettre? Donc, cette bouteille vide. Où est-ce que je vais mettre ce sachet? Donc, on doit réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire de ce sachet usé? Qu'est-ce que je vais faire de cette bouteille usée? Et le deuxième comportement, en fait, consiste à acheter d'une manière responsable. Je me rappelle qu'avant, les gens utilisaient des cabas biodégradables. Les gens utilisaient des sacs en étoffe, en vêtements, hein, mais des sachets qui n'étaient pas des sachets. Et je pense que nous pouvons revenir à la case départ et les gens peuvent continuer à utiliser des choses qui sont biodégradables. Au lieu, chaque fois, quand vous allez dans une boutique, l'emballage pour le boutiquier, c'est le sachet noir. L'emballage dans une alimentation, c'est un sachet noir ou transparent. Donc, vous pouvez refuser ce sachet. Et ça, c'est ce que j'ai appelé un comportement responsable. Faire des achats responsables. Prendre le moins de sachets possible. Troisième comportement, à mon avis, troisième solution. Je me rappelle qu'avant, les gens buvaient de l'eau sans devoir utiliser les bouteilles plastiques. Aujourd'hui, dans tous les ateliers, dans toutes les réunions, dans toutes les assemblées pour les fêtes familiales, eh bien, il y a des bouteilles en plastique qui sont servies. Et ces bouteilles ne sont utilisées que pendant 5 minutes. On dit que la moyenne de temps utilisé pour une bouteille plastique, pour un sachet plastique, c'est plus ou moins 15 minutes, dans la majorité des cas. Et ça n'attend pas ce temps-là. Pourquoi ne pas, comme je l'ai dit, revenir à la case départ et servir de l'eau dans des verres qui ne sont pas des plastiques? C'est possible. Au lieu d'utiliser dans les ateliers les bouteilles en plastique, il y a lieu d'utiliser de l'eau servie dans les verres ou dans les bouteilles qui se cassent et utiliser de moins en moins les plastiques. Parce que nous devons réfléchir que la fin de la course de ces bouteilles, comme je l'ai dit, c'est dans les bas-fonds, c'est dans les cours d'eau, c'est dans les lacs, c'est dans les océans. Et c'est dans ces lacs où nous pêchons nos poissons, que nous consommons tous les jours. Parce que même si ces sachets ou ces plastiques prennent beaucoup de temps pour se dégrader, c'est des centaines, voire des milliers d'années, mais il y a de petites dégradations de certaines molécules qui sont néfastes à la santé humaine, à la santé des animaux, qui s'enlèvent petit à petit avec le temps. Donc, nous devons réfléchir, nous devons ouvrir nos yeux, ouvrir nos consciences pour vraiment adopter des comportements responsables, de nature à utiliser de moins en moins les sachets plastiques. Nous nous félicitons d'une chose, le gouvernement du Burundi a adopté une loi pour mettre fin à l'importation ou à la fabrication même des sachets plastiques. Et je pense que ce qu'il faut pour le moment, c'est mettre en application cette loi. Il y a eu un délai de grâce qui a été donné bientôt, et c'est la fin de ce délai de grâce. Et je pense qu'après le délai de grâce, il faudra que des mesures qui s'imposent soient prises pour vraiment mettre fin à l'utilisation d'une manière désordonnée et non responsable les sachets plastiques dans notre pays et importer de moins en moins vraiment ces plastiques, ces bouteilles en plastique qui nuisent notre environnement et qui nuisent la santé humaine et qui nuisent la santé des animaux et même notre biodiversité. En 2018, il y avait un slogan qui disait « planète ou plastique ». Donc choisir entre les deux. Et à mon entendement, nous avons intérêt à choisir notre planète, notre terre, à la place des sachets.